en scène. T'as vu? S'il y a rien que des mecs qui se butent pour des histoires à foin. Mais si tu veux que je te dise, je trouve ça malsain. À la recherche de ce putain de vaccin, d'un vaccin. Et elle qui l'a 20 piges, dire qu'à sa naissance, son père voyait en lui les traits d'un enfant prodige. Ah, ça la vie. Dans les blocs, putain, ça l'arsène. Vise la scène, scène de violence. 166 coups de pute sur la conscience. Les nuits passent et l'orage ne cesse de gronder. L'estomac noué depuis deux jours. Je ne peux rien manger, rien à faire. Je pense à lui sur son lit d'hôpital. Putain de cancer, c'est pas une vie pour un enfant de là-bas, la 16 piges. Normalement tu t'éclates avec tes potes et pas sous chimiothérapie, sous les lumières du bloc. Je repense à lui, la main tendue vers nous en concert, criant de joie, oubliant ses peines avant de rentrer à Necker. Ce que je vois, une jeunesse abrutie par la violence. Faudrait l'emmener dans ses chambres où la mort n'a plus d'importance. Sa maladie l'emporte sur le désir de vaincre. Plaisir simple, savourer sa jeunesse, laisser une empreinte, emprunter le couloir de la vie sans prendre de raccourci, ravivé. La seule et unique flamme qui sommeille en lui. Faut pas pleurer petit frère, on va s'en sortir. Et la foi et la croyance commencent par un sourire. C'est dur je sais, mais faut pas que tu baisses les bras. Parole de ton ange gardien, celui qui veille sur toi. Ouais, tu sais. Parole de ton ange gardien, celui qui veille sur toi. C'est de la tristesse que tu peux lire dans mes yeux. C'est de la tristesse que tu peux lire dans mes yeux. Réveillant sueur comme chaque nuit. Chacun de ses pas claque sur le sol de l'ennui. Enfant déjà habitué aux soins intensifs. Parents attentifs pour un virus au mal progressif. Erreur médicale, ce 12 mai 90. La maladie dans l'aiguille de l'hémophile plus que passif. Thème hospital, mauvaise transfusion. Le sida injecté dans ses veines, coule à profusion. Pour lui, c'est trithérapie, les jetons qui filent la nausée. Expérience interdite, de plus en plus de mal à causer. À son chevet, ses potes ne l'ont pas oublié. Malgré la maladie, ils se sont jurés de rester liés. Le recherche dans les yeux de ses proches, le reflet de son image. Un regard flanche, une larme coule sur son visage. Il dit qu'il voudrait dormir, être dans ses rêves qu'il retrouve le sourire. Regard similaire, il voudrait partir. C'est de la tristesse que tu peux lire dans mes yeux. C'est de la tristesse que tu peux lire dans mes yeux. Dans mes yeux, dans mes yeux. C'est de la tristesse que tu peux lire dans mes yeux. C'est de la tristesse que tu peux lire dans mes yeux. Dans mes yeux, dans mes yeux. On était fiers de nous jeunes, prometteurs et talentueux, faqueux. Bac, mention, bref, chant se remplit d'ambition. Cette nuit était nôtre, soirée entre potes. Ambiance alcoolisée, champagne, rose et pété sous les spots. Attablés au nightclub, une fille chacun. Raga dub, dobo, bec, blague, tous annonçaient bien 5h. L'heure de rentrer, assise dans ma caisse, tous. L'esprit au-dessous de la ceinture, l'amour après l'ivresse, tu sais. D'habitude, je contrôle, volant de la gauche, une clope. Dans la main droite, cette nuit, j'ai dû snober un stop phare. Dérapage, camion, tonneau, giclé de sang. À mon réveil paraplégique à 20 ans, tu sais. Papa, je regrette, maman, je m'en veux. Je suis seul à me sortir sain et sauf. Comment les regarder dans les yeux, coupable. La vie instable, jeune, minable, haine de moi-même. Ma vie s'est arrêtée au pied d'un chêne. Pied d'un chêne, pied d'un chêne. C'est de la tristesse que tu peux lire dans mes yeux. C'est de la tristesse que tu peux lire dans mes yeux. Dans mes yeux. La tristesse que tu peux lire dans mes yeux. C'est de la tristesse que tu peux lire dans mes yeux. Dans mes yeux, dans mes yeux. C'est de la tristesse que tu peux lire dans mes yeux. C'est de la tristesse que tu peux lire dans mes yeux. Dans mes yeux, dans mes yeux. C'est de la tristesse que tu peux lire dans mes yeux.